Les dictionnaires d'autorités définissaient, après plusieurs spécifications du terme chapelle, la chapelle royale, comme, je cite en espagnol, el agregado de ministros y sirvientes que tienen la capilla para su servicio, como son capellanes, sacristanes, músicos y niños que son adoctrinados en la música y otras personas que todas exentas de la jurisdicción ordinaria eclesiástica por tener juez aparte. Dans ce même dictionnaire, la cinquième sonne du terme chapelle révèle clairement son acception musicale. De fait, la dualité de significance et d'intégrant de la chapelle ecclésiastique et musicienne est déjà reconnue de tous au XVIIIe siècle. Donc la chapelle, ce n'est pas exactement un espace comme un entourage des personnes. Ainsi, l'étude de toute chapelle royale, en particulier dans le cas de la monarchie espagnole, devrait être liée aux maisons royales. En ce sens, la chapelle royale était une section à partie entière de la maison royale, composée aussi de l'hôtel, de la chambre des écuries, de la gare et de la chasse. Comme Luis Robledo l'a mis en évidence, l'existence de différentes maisons au sein de la monarchie hispanique, à savoir la maison de Bourgogne et celle de Castille, n'implique pas une duplication de chapelle. L'existence d'une seule chapelle n'exempte pas que le financement de ces offices dépend conjointement des maisons. Lors de son voyage à Madrid en 1701, Philippe V chercha à résoudre cette situation complexe, remettant à cet effet son entourage domestique et courtisan. Afin de comprendre la profondeur et la portée des réformes entreprises, nous devons les étudier en prenant en considération le conjointement des maisons royales impliquant les processus antérieurs des réformes entreprises sous le règne de Charles II. Donc, ce que je me propose, c'est d'étudier la part des pouvoirs politiques de cet ensemble, de cet entourage de personnes, c'est-à-dire de la chapelle royale, au sein du règne de Philippe V. Il est utile de préciser que dans leur ensemble, les réformes des maisons royales entreprises au cours des 20 dernières années du règne de Charles II marquaient la volonté de contrôler et de réglementer la chambre du roi, considérée comme le centre de distribution des grâces et des bénéfices, tandis qu'elle cherchait simultanément à contrôler l'accès à la personne du monarque. Une partie de l'historiographie a cherché à considérer ces efforts de réforme comme un simple contrôle économique. Bien que dans le cas des consignations de la maison de Castille, les paiements des officiers appartenant à la chapelle furent supprimés ou tout du moins n'étaient pas garantis, tandis que c'est des domestiques de la chapelle qui dépendaient de cette maison par ordre du roi devaient être acquittés ponctuellement. La réforme de 1701 commença à être appliquée après que Louis XIV ait accepté le testament de Charles II. Cependant, nous devons considérer ces réformes comme une manière différente de comprendre la forme de gouvernement de la monarchie. Ainsi, Gomez Centurion a affirmé que les réformes des maisons royales impliqueront à la fois des questions importantes à la cour de Versailles comme celles de Madrid. À cet égard, fut nécessaire à Louis XIV d'attribuer à Philippe V un entourage approprié, lequel lui permettrait d'assurer l'établissement de la dynastie dont il était le pater familia au sein de la monarchie hispanique. Pour la cour madrilène et surtout pour les groupes de courtisans qui avaient soutenu la cause française, contrôler la maison signifiait attendre l'hégémonie dans la nouvelle cour de Bourbon. De même, le cardinal Portocarrero et son entourage chercheront à contrôler les cercles de prise de décision. Cette réforme fut entreprise lorsque Philippe V arrivait à la cour. Le roi annonçait son vouloir d'être servido por ahora solamente de la familia que trae en su viaje, tandis qu'avait commencé la réforme de la maison de Bourgogne. Quant à la chapelle royale, les décrets devant mai 1701, declaré que, je cite en espagnol, conveniendo que dar planta a mi real capilla para la mayor decencia y servicio del culto divino y asegurar la más puntual satisfacción de los goces que hubieren de tener los dependientes de ella, se ha resuelto que por lo que se les estuviera debiendo hasta el día 1 de noviembre del año pasado, de 1700, acudan a la Junta de Descargos con certificación de los créditos a pedir satisfacción que lo que hubieran devengado desde el referido día hasta 1 de abril pasado. Comme dans la réforme des maisons royales entreprises à cette période, la réforme de la chapelle prit également le règne de Philippe IV comme référence pour établir la planta, c'est-à-dire l'état des nombres des officiers de la chapelle plus réduite et ainsi modérer les dépenses. Ce lien avec le règne de Philippe IV pour référence répondait à deux directives. Cette époque marquait à la fois le début de la réglementation des maisons royales et l'établissement des liens dynastiques entre les deux royaumes, c'est-à-dire à créer un discours de la continuité dynastique fondé sur les mêmes pratiques politiques. Cette nouvelle configuration de 1701, plutôt que d'apporter une modification substantielle de ce qui précède, a adapté la constitution de la chapelle royale qui avait été fixée par les rois catholiques ainsi que celle de Philippe V en 1723 afin d'assurer au roi le décorum du culte sacré. De plus, cette nouvelle configuration fixée dans une série de préventions envoyées de ce même 20 mai à Don Antonio Duvilla y Medina, secrétaire del despacho universal, une liste stricte de servants dont le nombre ne pouvait pas être augmenté. En plus de réglementer l'école de joueurs de prévention précédemment évoquée, était très stricte vis-à-vis des pensions de retraite. En effet, il était précisé que les servants ou musiciens retraités ne pouvaient pas bénéficier d'aucune rétribution supplémentaire. De même, les servants de la chapelle royale n'étaient pas autorisés à exercer une autre charge que celle propre à la chapelle. Enfin, quant au fonctionnement économique de la chapelle, les préventions relevaient à sa direction précisément que, je cite en espagnol, las cuentas del tesorero las haya de tomar precisamente todos los años el controlador y refiere de la Real Casa de su Majestad y dar cuenta de ellas al bureo para que en su aprobación se les dé el finiquito. Ainsi, la chapelle royale perdait son autonomie gouvernementale, économique et politique, car ses comptes entrant en dépendance et étaient contrôlés par la maison, en la figure du greffier qui répondait devant les grands majordomes équivalents, comme a montré Mathieu Davigne, au grand maître d'hôtel de la maison ou de la cour française, qui dépendait, je dis, au grand majordome et les bourréaux comme organes gouvernementaux et judiciaires de la maison de Bourgogne. C'est ce qui explique que depuis la réforme de 1701, les aumôniers successifs s'opposaient aux actions de grand majordome et d'irréfiant, revendiquant la priorité de leurs critères. De même, lorsque l'administration des maisons royales commença à dépendre des secrétaires d'État, la confrontation avec ses secrétaires s'était également intensifiée. Un dernier point sur l'économie. Nous suscite notre intérêt concernant à la maison de Castille, dont la plante n'avait pas beaucoup changé au cours des dernières décennies, mais qui a souffert de graves problèmes financiers. Philippe V a commencé à modifier la chapelle Corp, donc Charles avait pris soin et mis dans une position solvabilité supérieure au reste de la maison. Cette politique différait complètement de celle entreprise par son prédécesseur qui avait compris que les salaires de la chapelle ne pouvaient être touchés, invoquant la justification même du décorum des cultes divins. La suivante réforme, c'était celle de 1707. qui est mise entre la fidélité et l'instabilité économique. Et la réforme générale des maisons royales de 1707 avait été précédée de projets visant à rationaliser administrativement la maison dans laquelle était comptabilisée la dépense pour première fois en 1705 de la main de Jean Horry. Les problèmes économiques dont souffrait la chapelle étaient similaires à ceux des autres corps de la maison royale, puisque par une ordonnance générale du 14 février 1706, le roi ordonna, je cite en espagnol, que no se paguen del caudal de causa pública las situaciones dadas a las casas reales, tesoreros de vuestra majestad, maestro de cámara y reales caballerizas, dans lesquels le ministre du roi comprenait la chapelle en corps de la maison, suscitant les lamentations des serviteurs de la chapelle à l'image du patriarche dans des Indes le 24 mars 1706. Bien que pour la chapelle royale, aucune nouvelle composition de l'effectif, c'est-à-dire la planta, ne fut soulevée ni ne fut ajoutée à celle de 1701, les titulaires des offices n'ayant pas accompagné Philippe V à Guadalajara et Burgos après avoir quitté Madrid. Ainsi, dans les faits, nous voyons que les mutations de charges à ce moment répondaient essentiellement à un critère de fidélité, bien que les critères de stabilité économique prévalaient officiellement. Deux charges fondamentales n'ont pas accompagné le roi, les maîtres de chapelle, dont Sébastien Durand, et les pratiques patriarche des Indes, Don Pedro de Portocarrero y Guzmán. Concernant les premières, l'aumônier proposa en 1707 de séparer les deux charges afin de les faire gagner en efficacité. Cependant, à la demande de son greffier, Philippe V avait rejeté la proposition afin de faire prévaloir à tout moment la planta de 1701, comme également les Philharmoniens en 1711 et les Seuillets de nouveau jusqu'en 1720 lorsque le monarque nomma José Torres aux deux charges. Quand Pedro de Portocarrero y Guzmán, il fit exiler en Italie grâce au permis que le pape lui avait concédé, lui garantissant également la sécurité lors de son embarquement pour Lisbonne en 1707. C'est-à-dire, on peut les trouver toutes ces documentations aux archives vaticanes qui montrent évidemment les papiers qu'a joué les papes au conflit de succession pour la monarchie hispanique. En définitive, nous constatons que la tentative de modifier les structures de la chapelle on échouait, car la plante établie en 1701 continuait de première sur les restes des maisons royales. Néanmoins, la réforme fut menée pour récompenser la fidélité des domestiques, suite à l'abandon de la cour de 1706, et punir ceux avant de célébrer l'entrée de l'archiduc à Madrid, tout en favorisant ceux qui avaient accompagné Philippe V à sa sortie de la cour. Le prochain moment qui m'intéresse, c'est celui de 1739. La tentative de réforme de 1739 fut précédée d'une décennie d'instabilité économique qui fut engendrée lors de la journée d'Andalousie en 1728, alors appelée lustre réal à Séville, et de la participation aux guerres de succession de Pologne et d'Autriche. En mai 1739, le secrétaire d'Hacienda, c'est-à-dire plus ou moins finance, Iturralde, exhorta les chefs de chacun des corps de la maison royale à ce qu'ils effectuassent un nouveau règlement propre à chacune d'entre elles. Je cite en espagnol, con el objetivo de poner orden en su administración y realizar las mayores economías posibles. Cependant, la principale mesure proposée par les ducs de la Mirandola, grand majordome du roi, fit l'union des maisons de Castille et de Bourgogne, car c'était la meilleure façon d'obtenir un bon service du roi et permettait par la même occasion de réduire la dépense excessive des maisons royales. En ce qui concerne la chapelle royale, le renommonnier et patriarche des Indes, le cardinal Mendoza, a recueilli les changements mineurs à Genilier dans la chapelle royale dans ses propositions pour 1739. De même, dans son intention d'obtenir l'indépendance de la gare juridique et économique du grand majordome, il visa à augmenter les consignations de la chapelle et des serviteurs et à augmenter le nombre des aumôniers d'hôtels, passant de 7 à 10. Le changement au sein de la secrétariat d'État de Iturralde par Verdes Montenegro, homme traditionnellement proche du parti espagnol, gelait définitivement la tentative de réforme. Ainsi, en mars 1740, une junta d'Hacienda avait proposé au monarque que, je cite, el reglamento de la Real Capilla se ejecute sobre el pie de sueldos que a la misma Junta ha moderado los que se señalaban que en el que ejecutó el patriarca y se solicite bula apostólica para dotar la misma capilla con una ración de cada iglesia catedral de los reinos de Castilla y Aragón a l'unisson des différents entre les grands majordomes et président du Conseil de Castille, charge qui était aussi occupé par Verdes Montenegro. Par conséquent, nous constatons que la tentative du patriarche des Indes s'était révélée insuffisante car le gouvernement des maisons royales, y compris la chapelle, particulièrement pour les questions économiques, commençait à dépendre des secrétariats d'État à partir de cette époque. Aussi, des questions de soutenance économique de la chapelle, on voit que la monarchie s'est élevée, c'est de dériver cette soutenance à partir de l'Église, à partir de les villes apostoliques pour les cathédrales de chaque église du royaume de Castille et Aragon. De ces faits, il est reconnu que la réforme de 1739 établissait un point de non-retour dans la gestion de la monarchie. En d'autres termes, la réforme a jeté la base pour la mise en place de la nouvelle monarchie unifiée, premièrement avec la maison royale, puis avec les projets de contribution unique des marquis de l'Ensenada. En conclusion, on va étudier la réforme de 1749 comme point culminant d'un processus de réforme. Dans son ensemble, le processus de réforme et de nouvelles méthodes de gestion des maisons royales n'a pas été achevé sous le règne de Philippe V, mais durant celui de son fils Ferdinand VI. Ainsi, les points de non-retour engendrés par la réforme ou tentatives de réforme de 1739 n'impliqua pas de modification de la logique gouvernementale des dernières années du règne de Philippe V. Au début du règne de Ferdinand VI, les mouvements de la cour offriront la possibilité à ce que des nouvelles réformes soient proposées, à l'image de celles soulevées par les marquis de l'Ensenada en 1747. Ce fut que les marquis de l'Ensenada lui-même, qui profita de la conjoncture favorable à son cercle politique pour proposer des réformes, tout en expliquant les mots subis par la monarchie, se focalisant sur les maisons royales. Les points sur lesquels l'Ensenada a voulu concentrer les réformes étaient la rationalisation des salaires, la maîtrise des dépenses et la réduction des offices qu'il considérait comme vides de son sens. En définitive, plusieurs décrets préparés par les marquis d'Ensenada sur la réforme des maisons royales furent publiés le 18 mars 1749. Ainsi, le quatrième article du décret établit l'union des maisons royales de Castille et de Bourgogne en supprimant le dé et créant une nouvelle institution qui commença à s'appeler Maison du Roi. Quant à la chapelle, à part d'établir une nouvelle planta, le 18 avril 1749, avait été établi un règlement, je cite, de la famille qui s'est de componer la capilla de Nuestro Señor. Parmi les points plus importants de cette nouvelle réglementation, nous trouvons certaines continuités avec la réforme de 1701. Première, la plus autorité était le patriarche, qui occupait également le poste de grand aumônier. Deuxième, le nombre de fonctionnaires prévus dans cette planta ne peut être excédé. Et troisième, la plupart des dépenses financières passent par les nouveaux bureaux du contrôleur greffier, lesquels dépendent de l'hacienda, c'est-à-dire de les finances. En définitive, la mention d'un règlement de la famille et pas de la chapelle royale nous renvoie à l'incorporation que les corps, chaque qu'en Espagne appelle departamento, avait dans la nouvelle structure qui était en train de se créer, la maison royale. La suppression de ces deux maisons royales et la formation de la maison du roi impliquaient une modification substantielle de la prévalence des maisons royales dans le conjointement des monarchies. Ainsi, la modification apportée au bureau, qui a cessé d'être l'organe directeur et d'administration des maisons royales pour continuer avec pour celle fonction l'administration de la justice, on laissait entendre que la maison de Bourgogne, en tant qu'elle, en particulier au sein de son administration, a été modifiée. Par conséquent, avec la création des maisons du roi, comme résultat final de la fusion de ces deux maisons royales, s'était créée une structure nouvelle, dans laquelle le gouvernement ne dépendait plus de charges principales ni du bureau, et passer à dépendre des secrétariats d'État. Enfin, de compte, la maison royale perd le rôle politique nodal dans le gouvernement de la monarchie pour devenir un appendice tout en préservant sa réputation, c'est-à-dire les prestiges émanant de la situation d'être au service du roi. En ce cas, la chapelle royale perdait aussi son prévalence même autour de la cour parce que ses domestiques et en même temps clergé politique ont perdu son pouvoir politique et son importance pour la création d'opinions autour de la cour. Et finalement, il devient seulement domestique, comme s'est passé autour de toute la maison royale. Et préservant sa réputation, et comme j'avais dit, c'est-à-dire le prestige qui émanait de la situation d'être au service du roi. Merci.